mat, faut que je me lève, j'ai froid. En plus j'étais dans un rêve vraiment trop sympa. Mais bon, je peux même pas me recoucher. J'ai signé pour le taf, donc faut assumer. Un bon féca sous la couette, ma loup dort bien. Je m'accolerai bien dans ses bras, mon nez dans ses seins. Mais bon, vas-y, oublie. Donc je mate les infos sur LCI. Je passe sous la douche, vite fait. J'ai pas le temps pour un déj complet. En plus, pas de peau, il flotte et ça j'aime pas trop. Mais pas grave, un coup de kick et c'est parti. Mon PX s'en fout du temps, il me l'a jamais en plein. Et v'là t'y pars, j'suis gelé, goûté à l'avance. De devoir m'en doffer, ces connards. C'est comme ça j'ai signé. Je sais bosser, c'est chiant, mais au moins c'est toi qui décides d'être dedans. Et le chef Aillon, c'est bien là son drame. Après son temps, redevient Kidam. Et ici il n'est pas question de mitard si tu craches à la gueule de ce connard. Et moi j'suis fonce, défatigué, envie de me repioter. Seulement voilà, j'ai pas le choix, y'a les impôts, le loyer. Enfin tu connais le gros lot du prolo. La vie honnête reconnaît que c'est vrai, ça paye pas trop. J'suis fonce, défatigué, envie de me repioter. Enfin voilà, j'ai pas le choix, y'a les impôts, le loyer. Enfin tu connais le gros lot du prolo. La vie honnête reconnaît que c'est vrai, ça paye pas trop. Ça y est, ça c'est fait, la journée est finie. Ça s'est pas trop mal passé à part 2-3 abrutis. Mais dans l'ensemble, faut pas conder. La journée n'a pas été que nulle à chier. De toute manière, c'est inévitable. Le monde du taf, c'est impitoyable. Surtout si t'as décidé de hisser ta vie à un poste envié. La gare aux ennemis, casse-couille, ok. Mais là où ça le fait, c'est que tu passes pas ton temps à mater le monde bizarre. Moi l'honnêteté a son lot d'ennuis. T'as remarqué, j'suis fâché. Mais j'reste poli, j'encule les huissiers, les banquiers et autres emmerdeurs assermentés pour pourrir la vie des bons travailleurs. Pardon, mais en ce moment, j'te promets que tous ces cons me font chier en grand. Moi j'suis fonce, défatigué, envie de me repioter. Seulement voilà, j'ai pas le choix, y'a les impôts, le loyer. Enfin tu connais le gros lot du prolo. La vie honnête reconnaît que c'est vrai, ça paye pas trop. J'suis fonce, défatigué, envie de me repioter. Enfin voilà, j'ai pas le choix, y'a les impôts, le loyer. Enfin tu connais le gros lot du prolo. La vie honnête reconnaît que c'est vrai, ça paye pas trop. Et merde, 6 du mat, faut que je me lève, j'ai froid. La semaine ne fait que commencer, ça me gave déjà. Encore 4 bons jours, ouais, à tirer. Et je commence déjà à bien craquer. Rien à calculer, pour bouffer c'est la démerde. Ou travailler, la démerde à des emmerdes. Le travail aussi, mais moins chiant. Mais donc moi mon camp j'ai choisi celui d'aller bosser, c'est bien bien chiant. Mais j'ai pas envie de finir cloîtré là-dedans. Donc je trim en mouk avant une grosse envie de gueuler, mais c'est pas le moment. Donc même fonce des crevés, je vais au taf gaiement. Je peux croiser les condés sans craindre les emmerdements. J'ai fait ce choix, y'a un moment, car la liberté tu peux la perdre rapidement. Moi je suis fonce, défatigué, envie de me repioter. Seulement voilà, j'ai pas le choix, y'a les impôts, le loyer. Enfin tu connais le gros lot du prolo. La vie honnête reconnaît que c'est vrai, ça paye pas trop. J'suis fonce, défatigué, envie de me repioter. Enfin voilà, j'ai pas le choix, y'a les impôts, le loyer. Enfin tu connais le gros lot du prolo. La vie honnête reconnaît que c'est vrai, ça paye pas trop.